du fric et de la logistique. Chacun sa vie, chacun son secteur. Je te rends service avec le cœur. J'attends pas que tu vis une heure, merci. J'ai perdu le sommeil, qu'est-ce qu'on aurait pas fait pour le respect. Jeune, j'aurais dû avoir peur de percer. Mais bon, hier, je disais, j'ai peur de personne. Je prends pas les patins, c'est tapin. Je m'assierai jamais à leur table. S'abîmer le cœur en donnant à une femme. Chez moi, tu perds la vie ou ton latin. Grand tape d'âme, il y a un trait de cessure. Je dis que je fais 7 et je perds l'addition. J'ai la prison, ce soir en vision. On va se tuer si on a la même vision. Des cagoulés, une somme dérisoire. Des bons mecs dans une sale histoire. Je vais peut-être crever avant la réédition. Je vais peut-être les faire avant ta bénédiction. Je prends ça, il faut que le bénévolat. Un kill, deux kills, trois kills, on encaisse. Yung aurait jamais serré Pénélope. Si Tuna et Georges, j'aurais pas vendu la cesse. J'ai fait un rêve, l'ennemi était mort. Dans mon cauchemar, je les ai revus en enfer. Si tu sais pas quoi faire de ton fric, donne-nous tes affaires. Nous, on sait quoi en faire. On cherche la pure afin de le litron. Teste nos jouets dans les forêts limitrophes. Je tire sur une Heineken, je touche la capsule qui se tombe. C'est sûr que t'aurais dans le citron. Elle monte le vidon, tu lui achètes quand elle me tire le bâton. Elle me dit, t'as vu cette veste, c'est du raton. T'as vu mes loups boutins, c'est mon gars qui régale, je l'appelle mon chaton. Hey. Oh. Le cœur te laisse un hématome. 44 dans la bouche, mieux que PC son fut. La rue c'est ma pute qui te dit t'es ma pute. 300 kilos qui repèsent en Amsterdam. J'achète mon nouveau caisson sur Stuttgart. Je le fais rentrer à Marseille par la Cernam. Ouais, je suis un bel enculé comme Shug Knight. On pense au profit, pas aux conséquences. On finit brûlé ou fou dans cette danse. Plutôt qu'un état traqueté. Plutôt mordre le caboyer. Une temple chez l'est et noyé. T'es en surface et nous dans le noyau dur. Entre mon gîte et le premier pied, on a tombé. Si le conflit s'installe et perdure, je parlerai au sein un jour d'éclipse. Je parlerai à petit eux le jour J. Avant de rejoindre Otto dans les flammes. Sans mon père, que serait le paradis. Trouver de l'amour tout au fond de mon cœur, c'est trouver de l'eau dans le plus grand des déserts. Qu'est-ce que je pourrais envier aux anges ici bas s'il dit à plat des ailes. Une cuillère à soupe, la monnaie à qu'elles sont pas là. On base la coque à 15 ans, on devient malade. 10 ans plus tard, je cours pour dans la piscine. Je sors et je tends mes billets sur une corde à linge. Tu bois du whisky là, t'es chaud, tu prends la conf. Demain à jour, on va t'enlever des sapés ta conf. Trahir un rêve ici ou ailleurs, c'est la honte. Oh, eyes on me. C'est le S, enculé de ta mère. Oh, oh, eyes on me. Regarde-nous bien dans les yeux quand on parle.